Le gaming brûle comme un secret. Chaque image enflamme mes regrets. Je ferme les yeux, je vois l'écran. Chaque pixel devient un désir ardent. Les vieux murmurent dans la nuit. Leur souffle doux m'appelle, me suit. Rider Skill réunit nos voix. Chaque vibration s'élance en moi. Whisper softly, call the game. Every shadow hides a flame. Through the silence, hearts combine. Rider Skill, your voice and mine. Born of gaming, carved in sound. Every whisper pulls us down. We are Rider Skill, eternal, and our voices shake the ground. Les écrans brillent, je sens vos mains. Chaque souffle s'imprime au matin. Vos regards glissent comme des éclats. Chaque mot secret m'appelle là-bas. Rider Skill trace la voie. Savoir en guide l'infini. Le gaming vibre entre nos veines. Chaque instant nous entraîne. Nos voix flottent, nos cœurs s'élancent. Chaque connexion devient transe. Sous la basse, nos chants s'élèvent, chaque passion devient sans trêve. Whisper softly, call the game. Every shadow hides a flame. Through the silence, hearts combine. Rider Skill, your voice and mine. Born of gaming, carved in sound. Every whisper pulls us down. We are Rider Skill eternal, and our voices shake the ground. Les vieux souffrent dans le mystère. Le gaming brûle, lumière sincère. Rider Skill relie chaque âme. Sa voix sombre délie les flammes. Nos murmures s'allongent sans fin. Chaque partie s'écrit demain. Dans ce flux vibrant et discret, chaque désir reste muet. Whisper softly, call the game. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Rider Skill, your voice in mind. In sound, every whisper pulls us down. We are Rider Skill eternal, and our voices shake the ground. Dans vos regards, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Le gaming brûle dans nos veines. Un chant nocturne, une douce chaîne. Viewer. Rider Skill.